Christine Bernard. Une histoire particulière. La scène est inoubliable et pleine d'émotions. Elle dure presque 4 minutes. C'est la dernière scène du film La Liste de Schindler. Sur une musique de John Williams et du violoniste Itzhak Perlman, des centaines de personnes viennent déposer de petits cailloux sur la tombe d'Oscar Schindler au cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem. Rescapés, descendants de rescapés de la Shoah, tous viennent rendre hommage à celui qui a contribué à leur sauver la vie. Beaucoup de monuments consacrés à la déportation sont décorés de multiples petits cailloux qui ont été déposés soit au pied, soit sur les marches des sépultures. Parfois, des personnes soucieuses d'ordre les enlèvent pour faire propre, sans savoir d'où ils viennent. La coutume juive est de ne pas déposer de fleurs sur les tombes, mais d'y placer un simple caillou. Ce caillou est le signal que nous avons été là. Il est notre carte de visite. Comment rendre hommage à toutes les personnes persécutées pendant le conflit? Autre pierre, autre trace. C'est ce que Zoé Sfez et Jean-Philippe Navarre vous racontent tout de suite dans ce premier épisode. Eva war meine große Tante. Ja? Une Stolperstein pour Eva, un documentaire de Zoé Sfez et Jean-Philippe Navarre. Aujourd'hui, à la recherche d'une inconnue. Ça doit faire 11 ans maintenant que j'ai commencé un travail de recherche sur ce qui est arrivé aux personnes de ma famille qui vivaient en Allemagne et qui ont été déportées. Mais c'est une étape importante. C'est la première fois que je vais assister à la pose d'une pierre qu'on appelle Stolperstein ici. Peut-être qu'on pourrait l'appeler pavé de mémoire. Je ne sais pas si c'est très heureux, mais ça pourrait être ça. Voilà. Die haben so weißes Zeug, also so weiße Sandartig. Tout d'abord, ils enlèvent le pavé. Après, ils mettent une sorte de sable blanc. Le sable blanc, je crois, c'est du ciment. Après, ils ont mis du sable par-dessus. Et l'homme, il regarde la taille des pierres. L'homme pose les pierres dans le grand trou, il a mis des pierres. Sur les côtés, il met du sable blanc, après il rajoute de l'eau avec une sorte d'éponge. Il met de l'eau par-dessus les pierres. Après, il remet une autre matière qui est un peu comme du sable aussi. Il rajoute encore une fois de l'eau. Et là, il passe avec un balai sur les pierres dorées. Hier wohnt Eva Salinga, Y6-1899. Ici habitait Eva Salinger, née en 1899, déportée le 28 octobre 1941, Lutsch, Mischmannstadt. 1942, Chelmno, Kulmhoff, assassiné mai 1942. Ermordet mai 1942. Moi, je m'appelle Joachim Salinger et je suis à Berlin pour assister à la pose d'une pierre commémorative pour une femme qui s'appelle Eva Salinger et qui est la sœur de mon grand-père. Pourquoi un jeune homme se met à faire des recherches sur l'histoire de sa famille ? J'avais pas loin de 30 ans, j'ai commencé un travail analytique. Assez vite, je me suis rendu compte de quelque chose d'étrange, qui était que je savais, depuis que j'étais tout petit, que je venais d'une famille qui avait subi beaucoup de choses pendant la guerre. Mes grands-parents paternels étaient des juifs allemands qui sont partis d'Allemagne en mai ou en juin 1934 pour se mettre à l'abri en France. Mais beaucoup de gens de ma famille étaient morts en déportation. Je savais pas combien. Je savais pas qui, je connaissais pas leur nom, je savais pas qui c'était dans la famille. Enfin, je ne savais rien de précis. J'ai fait des recherches sur toutes les personnes de ma famille qui ont été touchées de près ou de loin par la déportation et par les persécutions antisémites. Et c'était le cas d'Eva. C'est qui cette fameuse Eva Salanger ? Mon grand-père avait une petite sœur qui a échappé au nazisme et est partie au Brésil. Et il y a moult documents, lettres, photos d'elle. Mais Eva, la grande sœur, dont il n'avait rien dit, dont je n'avais pas de photos, le peu qu'il y avait, c'était des notes manuscrites de ma grand-mère ou de mon père. Il y a un document où il y a marqué « Eva, Frida, Sarah ?» point d'interrogation, comme s'il ne savait plus vraiment son prénom. C'était une vraie enquête. Voilà, j'allais à la recherche de cette femme. C'est même pas à sa rencontre, j'allais à sa recherche. Je savais son prénom, je savais sa date de naissance, j'ai su assez vite où elle était morte, mais de sa vie, de ce qu'il a constitué en tant que femme, quasiment rien. Bernd, on est où là ? On est dans votre appartement. On est à Prenzlauer Berg. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré Joachim ? Bon, ça a commencé ici, dans la Torstrasse 25, avec une affiche. Joachim avait commencé à faire la recherche sur sa famille. Il a trouvé que la sœur de son grand-père, Eva Salinger, habitait dans la Lothringerstraße. La Lothringerstraße autrefois, maintenant s'appelle Torstrasse. Moi, j'ai vu l'affiche et moi, j'ai pensé, oh, c'est intéressant. Il avait mis le nom et la date de naissance et en fait tout ce qu'il savait sur Eva Salinger. Eva est née le 21 août 1899 à Laskovnica, un tout petit village qui aujourd'hui est en Pologne, mais à l'époque était en Allemagne. Elle a été déportée en octobre 41 de Berlin au ghetto de Litzmannstadt, ou Lodz. Et quelques mois plus tard, en mai 42, elle a été déportée vers le camp d'extermination de Kalmnau, où elle a été assassinée. Eva avait une fille qui s'appelait Ruth. Sa fille Ruth est née en juillet 31 à Berlin. Il a mis une deuxième affiche avec la photo d'Eva et sa fille Ruth à côté. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué. On a vu cette femme avec cette fille et toute cette histoire, ça touche. Quelques jours après, il y avait une deuxième affiche d'une vieille dame. Elle voulait soutenir sa recherche et qui était prête à l'aider. Comme Joachim avait marqué tout de suite qu'il parlait pas bien allemand, je vais l'aider. Quand il avait assez de matériel ensemble, on a commencé à approcher les officiels de Berlin pour initier cette pose de Stolperstein. Claire Kaiser, vous enseignez le cinéma allemand à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous travaillez aussi sur la question de la mémoire. Vous avez publié un article sur les quelques Stolperstein qui ont déjà été posés en France. À l'origine des Stolperstein, il y a un artiste allemand, Günther Demnig. Est-ce qu'il faut parler de projet Stolperstein, d'œuvre Stolperstein ? On parle de projet Stolperstein, on parle aussi en allemand de Stolperstein Aktion, donc l'action Stolperstein. Et pour définir ce projet qui aujourd'hui est assez démesuré et unique en son genre, puisqu'il y a plus de 70 000 pavés de mémoire qui ont été posés en Europe, on parle aussi de plus grand mémorial décentralisé du monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Stolperstein ? Alors d'abord, Stolperstein, ça veut dire littéralement la pierre qui fait trébucher, puisque Stolpern, c'est trébucher. Et évidemment, ça a une portée symbolique, métaphorique. L'idée, c'est qu'on trébuche avec le cœur et avec l'esprit. Et donc, ce sont des petits pavés de laiton qui sont disséminés sur les trottoirs des villes européennes à la mémoire de victimes du nazisme. Les premiers pavés sont apparus en Allemagne, évidemment, mais pas seulement. Aujourd'hui, il en existe dans plus de 23 pays européens. Et il y en a même qui ont été posés à Buenos Aires, à la mémoire d'enfants juifs allemands réfugiés en Argentine et qui ont donc survécu, mais qui, ayant été persécutés, ont donc pu faire poser alors c'était pas tout à fait un pavé, mais une plaque commémorative en laiton. Tout un chacun peut être l'instigateur pour la pose d'un pavé. Donc vous, moi, éventuellement des associations, mais ça peut être aussi des personnes individuelles. Et de ce fait, on s'approprie aussi le pavé, puisque c'est nous, en tant qu'individus, qui faisons les recherches, qui obtenons les autorisations, et qui, une fois que les recherches et les autorisations sont obtenues, on prend contact avec l'artiste, Gunther Demnig, qui vient et qui pose le pavé. Donc tout ça, ça s'accompagne évidemment d'un travail, d'un échange. Ça crée aussi des liens particuliers, des échanges. Gunther Demnig parle de sculpture sociale, c'est un terme qu'il emprunte à Beuys, pour définir justement la dimension aussi artistique de son action, de son pavé. C'est pas seulement l'objet en lui-même, c'est aussi tout ce qui l'entoure, tous les échanges et tous les liens qui se sont créés, donc cette fameuse sculpture sociale. Bernd Meyer, vous faites partie de ces riverains de la Torchstrasse avec votre voisine, Madame Schwartz, qui ont accompagné Joachim Salinger dans ce projet de Stolperstein pour Eva. Et ça a été un processus assez long. Chaque fois que j'ai rencontré Madame Schwartz, elle m'a dit « Ah, vous voyez, je suis tellement vieille et je ne sais pas si je verrai le jour de la pose des Stolperstein. Poussez-les. » Mais j'ai essayé, mais ça, à l'époque, ça n'aidait rien. Et donc finalement, Madame Schwartz, et c'est ça la triste histoire, est morte l'août dernier. Et je l'ai su au moment où je voulais lui dire, voilà, finalement, on a une date, ça va se passer. Elle n'était plus là. Vous avez pensé à elle aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, j'ai pensé à elle. Je ne suis pas encore passé par sa tombe. J'ai prévu d'y aller, lui dire. Claire Kaiser, quelle est sa spécificité à ce projet ? C'est à la fois, vous l'avez dit, un mémorial décentralisé. On parle de toutes les victimes du nazisme, les Tziganes, les témoins de Jéhovah, les homosexuels, aussi des personnes handicapées. Il a une autre particularité, ce projet, c'est qu'il n'est pas lié aux institutions. Alors, pas du tout. Et c'est justement, je pense, ce qui est à l'origine aussi de l'engouement qu'il suscite. D'abord, les Stolperstein sont disséminés dans les rues des villes européennes et on bute dessus par hasard. C'est une manière de faire ressurgir de façon inopinée le souvenir à un moment où on s'y attendait pas. Et le souvenir ressurgit de façon, enfin souvent, de façon d'autant plus forte que c'est le fruit du hasard et on est pris en train de se promener, de faire des courses et tout à coup, voilà, on a ce retour du passé. On peut s'arrêter ou pas. Quand on s'arrête, on est obligé de se pencher, de déchiffrer ce qu'il y a sur les pavés. Donc il y a vraiment un acte volontaire d'appropriation du pavé. Donc là, on est dans le quartier de Mitte, plus précisément dans le quartier qu'on appelle le Scheunenviertel, qui est l'ancien quartier juif de Berlin. Et donc en face de nous, le dôme doré qu'on voit rénové, c'est la synagogue. Et puis évidemment, le symbole de Berlin, c'est la fameuse Fernsehturm, qui est donc sur l'Alexanderplatz, donc c'est l'ancien centre névralgique de Berlin-Est. On est devant la nouvelle synagogue, Neue Synagogue, je crois que c'est Auguststrasse, quelque chose comme ça. C'est un bâtiment assez étonnant à Berlin, on est dans l'ancien Berlin-Est. C'est une synagogue qui a ouvert très peu de temps avant l'arrivée des nazis au pouvoir et qui n'a pas été du tout vandalisée au moment du pogrom de novembre, ce qu'on appelle la nuit de cristal. Parce qu'il a été protégé de manière très étonnante par le préfet de police. Il y a des histoires un peu particulières entre Berlin et la communauté juive, qui a évidemment été massivement persécutée, mais il y a eu une protection partielle de certains lieux. Et c'est seulement à la chute du mur que c'est devenu ce que c'est maintenant, c'est-à-dire d'une part un musée et d'autre part un centre de ressources et un centre communautaire. C'est plus une synagogue aujourd'hui. Cette Eva Salinger, ou Salinger, votre grande-tante Joachim. On sait très peu de choses, des derniers mois qu'elle a vécu dans Berlin. Vous l'imaginez, vous, un peu dans ces rues ? Oui, elle devait être très seule. Ce que je savais de l'histoire d'Eva quand j'ai commencé les recherches, c'était pas grand-chose. Mais ce que je savais, c'est qu'elle avait eu un enfant dont le père n'était pas connu. Et qu'il y avait un espèce de parfum de scandale autour de cette histoire-là. Mais en tout cas, elle était mère célibataire, ça c'est sûr. Et le prénom de la petite fille était connu, la petite fille s'appelait Ruth. Et au début, je savais pas grand-chose, sinon que si Eva, la sœur de mon grand-père, était morte en déportation, elle avait pu au moins envoyer sa fille en Angleterre avant le début de la guerre. Alors oui, elle a été mère célibataire. Oui, la petite Ruth ne porte pas le nom de son père, elle porte le nom de famille de sa mère. Ça, c'est la réalité. Et probablement que ça a suffi à créer de la gêne dans la famille de mon grand-père. Ils étaient probablement un peu petits bourgeois. En tout cas, il y avait autour d'Eva et autour de cette naissance quelque chose d'un peu secret, d'un peu crypté, quelque chose qu'il fallait pas dire ou qu'il fallait cacher. Quasiment toute la famille Salinger, la plupart des frères et sœurs d'Eva, dont votre grand-père, ont réussi à partir d'Allemagne avant que ça commence vraiment à se gâter. Finalement, c'est la seule de la fratrie à être restée coincée ici. Un des grands frères de mon grand-père, il s'appelait Sigmund, lui, il était militant SPD, entre autres choses, donc le Parti Social-Démocrate. Et en 1933, il a été arrêté par les nazis parce qu'il était socialiste et parce qu'il était juif. Il a été battu à mort. Et ça a été un événement très important dans la famille parce qu'ils ont su relativement tôt par rapport à beaucoup d'autres personnes que ça ne risquait pas de se calmer. Eva, elle est restée. Elle était déjà maman. Elle avait 35 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle n'avait pas les moyens. Peut-être qu'elle s'est dit que ça allait être trop compliqué toute seule, avec une petite fille, de reconstruire quelque chose ailleurs. Son petit frère est parti, sa petite sœur est partie. Certains de ses cousins sont partis, mais des tantes ne sont pas parties et sa cousine n'est pas partie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas partie. Et là, il se passe quelque chose de très important. C'est ce qu'on a appelé plus tard la nuit de cristal. Je préfère utiliser l'expression de pogrom de novembre 1938 parce que nuit de cristal, c'est comme ça que les nazis l'ont appelé. Pendant deux jours et deux nuits, on va mettre à sac les bâtiments, on va détruire des synagogues, les brûler, casser les vitrines, terroriser les gens. Il va y avoir plus de 10 000, voire un peu plus d'ailleurs, arrestations. Un certain nombre de personnes vont être lynchées publiquement. On a terrorisé la population juive allemande en 48 heures. C'est un moment de rupture pour Eva. Elle est à ce moment-là à Berlin avec sa fille, donc elle a assisté à ça, et sa fille a assisté à ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu une réaction mondiale à ce pogrom. Et en Angleterre, des associations juives et non-juives ont fait pression auprès du gouvernement pour ouvrir un corridor humanitaire, pour que plus de juifs allemands puissent être accueillis en Angleterre. Et assez rapidement, en quelques semaines, quelque chose a été décidé. On a décidé de laisser rentrer les enfants non accompagnés, donc les mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Eva a entendu parler de la possibilité de faire partir sa fille en Angleterre, de la mettre en sécurité. Mais elle, ce que ça voulait dire, que sa fille partait seule. Donc c'était la mettre en sécurité, oui, mais c'était peut-être l'abandonner. Et elle a sauvé la vie de sa fille. Il y a, voilà, c'était la seule manière qu'elle a trouvée. Il y a eu donc, de décembre 1938 jusqu'à probablement août 1939, des convois qui ont été organisés depuis l'Allemagne, depuis l'Autriche, depuis la Tchécoslovaquie, d'enfants qui ont pu, comme ça, échapper au Troisième Reich. Ça s'est appelé les Kindertransport. Il y a eu plus de 10 000 enfants sauvés, dont Ruth Zallinger, la fille d'Eva, qui va partir début mai 1939. Je crois que vous avez découvert, Joachim, plusieurs documents sur Eva qui vous ont aidé à comprendre quels étaient les derniers mois de sa vie. Oui, j'ai trouvé deux types de professions pour elle. Je pense une profession qu'elle a faite avant même d'être soumise au travail forcé, c'était aide à domicile. J'ai aussi trouvé dans d'autres documents le fait qu'elle était ouvrière en usine pour assembler des batteries électriques, pour y travailler à la chaîne. Et ça, c'est du travail forcé, dans un quartier un peu éloigné qui s'appelle Schöneweide. Donc elle devait avoir des grandes et longues déambulations compliquées avec le risque toujours d'être pris dans une rafle ou d'être pris à partie, etc. Et la peur au ventre, raser les murs, être inquiète pour sa fille, puisque impossible d'avoir des nouvelles, impossible d'en donner. Elle avait quasiment rien au moment où elle a été déportée. Et ça, on le sait. C'est assez terrible de le savoir, en fait. Mais les Juifs allemands, avant qu'ils soient déportés, ils devaient signer un papier. Ils devaient déclarer tous leurs biens. Parce qu'au moment où ils partaient en déportation, tout était légué officiellement à l'État, au Reich. Et donc, ce papier existe. Il est conservé aux archives de Potsdam. Et je l'ai eu entre les mains. C'est un fascicule pré-imprimé de 16 pages. C'est Eva qui l'a rempli de sa main. Voilà, j'ai touché ce papier, c'était assez étrange. La veille de sa déportation, c'est signé, c'est daté, il y a le tampon de la Gestapo. Elle déclare une somme d'argent absolument dérisoire, comme sa seule possession, et elle détaille qu'elle est propriétaire de deux assiettes, 4 paires de chaussettes, un manteau d'été, un manteau d'hiver, 6 culottes, 4 paires de bas, je crois, quelque chose comme ça. On l'entend, Joachim, vous avez fait quasiment 10 ans de recherche. Ce projet des Stolperstein, pourquoi il vous plaît ? Ce qui me plaît vraiment... Enfin, une des choses qui me touche beaucoup dans le projet de Günther Demnig, dans le projet des Stolperstein, c'est que derrière chaque pavé qui est posé, il y a toujours une volonté particulière de la faire poser, cette pierre. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui habitait dans mon immeuble, ou quelqu'un de la famille qui a la volonté d'honorer la mémoire et de faire poser cette pierre commémorative, ou un projet scolaire, un groupe d'élèves, d'étudiants qui vont travailler à partir des archives de leur ville ou de leur village et se rendre compte qu'il y a eu des familles qui ont été déportées depuis là et qui vont faire tout un travail de recherche. Qu'il y a toujours une pierre pour une victime, qu'on n'est jamais dans quelque chose de collectif. On est toujours, là encore, dans le particulier et dans une certaine forme d'intimité. Et que tout ça va créer de l'engagement. On est obligé de s'engager pour vouloir faire poser une Stolperstein. Voilà. Hi, Melanie. Oh, Melanie. Melanie, Zoé. Nice to meet you, Melanie. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Vous, Melanie, comment vous avez décidé de vous impliquer dans ce comité Stolperstein? What is the meaning for you? I'm 43 years old. J'ai 43 ans et je travaille comme consultante en stratégie. C'est un boulot intéressant, mais disons que je n'ai pas l'impression d'avoir un impact positif sur le monde. Donc, être bénévole pour les Stolperstein donne du sens à ma vie. En fait, il y a un comité Stolperstein central pour la ville qui est en contact direct avec l'artiste Günther Demnig. Et ensuite, chaque quartier de la ville a son comité local. Je fais partie de celui de Prenzlauer Berg. Et on a reçu la demande de Joachim pour une pierre à cette adresse à Torstrasse. J'ai entendu parler des Stolperstein à la radio, en fait. Il y avait une interview d'une femme qui travaillait pour le comité de Wilmersdorf, je crois, et qui faisait ça depuis longtemps. L'histoire du Troisième Reich m'a toujours intéressée, et particulièrement ce qui est arrivé aux Juifs à ce moment-là. Et étant donné le climat politique en ce moment, je crois que c'est plus important que jamais. Vous êtes un Allemand d'une quarantaine d'années, donc vous avez grandi avec cette histoire aussi. Mon grand-père n'était pas dans le parti nazi et il y avait des répressions. Toute la famille était censée être déportée en Sibérie. Apparemment, ils avaient même une date et un endroit où aller. C'est vraiment toute la famille avait cette mémoire et a raconté cette histoire. Et pour moi, je crois, je suis sûrement pas responsable pour ce qui s'est passé dans le passé, mais je suis responsable comment on garde la mémoire et ce qui se passera après. Et donc, j'ai trouvé toujours pour mon devoir de parler, de donner ces histoires à mes filles et de faire le possible que cette mémoire se garde. Pour les années 70, 80, 90, il y avait toujours ces vieux qui avaient vécu cette guerre. Maintenant, les jeunes, ils savent plus. Et on voit déjà, quand je pense au parti AfD, par exemple, qui commence à nier ce qui s'est passé, qui commence à changer cette mémoire, qui commence à diminuer ces atrocités. Ces Stolpersteine sont plus importants que jamais. Je sais que moi aussi, au début, je me sentais un peu coupable. Et ça, c'était un processus de se rendre compte que, ce que même mon grand-père n'a pas fait, comment je peux être coupable? Donc là, c'est vraiment un processus mental. Même des gens qui étaient dedans, par exemple, là je reviens à Madame Schwarz, elle venait d'une famille de nazis. Son père était à une position assez élevée. Et donc pour elle, c'était probablement autre chose. Elle se sentait beaucoup plus coupable que moi. Après sa déportation, l'État s'est rendu compte qu'Eva était locataire d'un coffre en banque et qu'elle ne l'avait pas déclaré. Et donc, il a réclamé le contenu du coffre à la banque. Et il y a un échange de courriers comme ça pour établir la procédure. Et puis le dernier courrier, c'est la Deutsche Bank qui répond en disant « Nous avons procédé à l'ouverture du coffre devant témoin. Il contenait deux coffres à bijoux en bois et en carton avec du cuir à l'intérieur. Nous les avons ouverts et ils étaient vides. » Conformément à la procédure, nous les avons détruits. L'idée qu'elle ait conservé un coffre dans lequel il y avait des boîtes, dans lequel il n'y avait rien, d'une certaine manière, c'était l'aboutissement de ma recherche. Cette idée, j'étais allé au plus loin qu'on pouvait, j'étais rentré dans son intimité la plus absolue. Ce coffre qu'elle n'avait même pas déclaré, qu'on avait ouvert et qu'on avait forcé, moi aussi j'y étais rentré et j'avais regardé à l'intérieur de ses boîtes, quel secret elle avait pu garder. Et même ça, ça échappait, il n'y avait rien. Probablement, dans ses coffrets à bijoux, il y a eu des bijoux, à un moment, et que petit à petit elle a tout vendu. Et peut-être même qu'elle l'a vendu pour payer le voyage de sa fille Ruth. Une Stolperstein pour Eva, à la recherche d'une inconnue, avec Joachim Salinger, Claire Kaiser, Bernd Meyer, Vinya Meyer, les élèves de sa classe, et Mélanie Schaumann. Merci à Oriane Delacroix et Marie Eck et au comité Stolperstein de Prenzlauer Berg. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, mixage Alain Joubert, un documentaire de Zoé Sfez réalisé par Jean-Philippe Navarre.